Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors lors de chaque émission, nous allons aborder une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons aborder la gestion des émotions, une émission que je vais co-animer avec donc Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour. Alors bienvenue pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors la gestion des émotions constitue l'un des piliers donc importants du développement personnel. En effet, dans un monde en constante évolution où les défis de la vie quotidienne peuvent rapidement devenir accablants, savoir reconnaître, comprendre et maîtriser ses émotions est devenu une compétence essentielle. Alors les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, influencent nos pensées, nos décisions et nos comportements. Lorsqu'elles ne sont pas bien gérées, elles peuvent entraîner des réactions impulsives, voire même un mal-être général. Alors explorons ensemble les principes clés à respecter pour une gestion harmonieuse de nos émotions. Et pour en parler, bien sûr, nous allons donc faire cette émission avec donc Dorothée Lacroix, sophrologue. Tu es prête pour partir à la découverte de nos émotions, Dorothée ? Oui, bien sûr, comme toujours. Eh bien, c'est parti. Alors, vous avez reconnu donc l'introduction de cette chanson, Dorothée. Donc, tu connais le titre ? Oui, c'est « Don't worry, be happy », c'est ça ? Voilà, de Bobby McFerrin. Donc, être heureux, ça fait partie donc, d'une de nos donc, émotions. Alors, justement, face aux problèmes que nous réserve la vie, première question concernant l'identification des émotions, quelles sont les principales émotions que nous ressentons quotidiennement ? Les principales émotions ressenties quotidiennement, eh bien, elles sont au nombre de 6. Il y a la joie, comme le dit bien la chanson qu'on vient d'écouter, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Alors, c'est des émotions de base qui sont universelles et qui influencent notre manière de réagir face aux événements de la vie. Alors, existe-t-il des émotions que j'ai du mal à reconnaître ou à accepter en moi-même ? Eh bien, en fait, on identifie les émotions qui nous traversent par la perception des sensations corporelles. Une sensation donne une émotion ou plusieurs sensations permettent de définir une émotion. Et effectivement, certaines personnes peuvent éprouver des difficultés à reconnaître les émotions parce qu'elles ont du mal à se connecter à leurs sensations corporelles. Et bien souvent, on a tendance à écarter aussi les émotions désagréables, par exemple, que sont la colère ou la tristesse, parce que aussi ces deux émotions sont souvent associées à des jugements négatifs. Ça peut être dû à des croyances personnelles ou des conditionnements culturels, en fait, d'éviter de ressentir ces deux émotions. Alors, tu dis qu'il y a des difficultés, effectivement, à ressentir donc des émotions. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer sur le langage corporel ou sur ces expressions physiques pour pouvoir les identifier ? Oui, tout à fait. Les émotions, eh bien, permettent aussi la communication. Et on peut les voir, elles sont souvent visibles par des signaux physiques sur le visage, donc des expressions faciales, mais aussi sur notre posture ou des gestes involontaires. Par exemple, la peur peut se manifester par des tremblements, la joie par un sourire. Et il suffit bien sûr de s'inspirer des emojis qui ont fait l'entrée dans nos vies maintenant depuis un bon moment et qu'on utilise beaucoup dans notre communication écrite. Et il suffit voilà, de s'y baser pour comprendre un petit peu les expressions faciales et les émotions qui se trouvent derrière ces expressions. Alors, qui dit émotion dit facteur déclencheur. Alors, quels sont les principaux donc, déclencheurs de nos émotions, alors, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives ? Les déclencheurs courants incluent des événements extérieurs, comme par exemple un conflit ou un succès. Ça peut être aussi des souvenirs qui provoquent des émotions, les interactions sociales entre nous, et puis aussi des croyances personnelles. Alors, je pourrais revenir justement sur ces croyances personnelles, parce que je suppose que notre passé, nos croyances, exercent une influence sur la manière de réagir émotionnellement. Absolument. Nos expériences passées et nos croyances façonnent nos réactions émotionnelles. Par exemple, une peur liée à une expérience d'enfance peut persister à l'âge adulte. Et par exemple, la peur de l'avion aussi, ça peut être lié, soit donc à l'enfance, mais peut-être plus davantage à des croyances personnelles. Oui, tout à fait. C'est des croyances personnelles. Ce sont, on peut être convaincu effectivement que l'avion, c'est dangereux, qu'il y a un risque. Et du coup, par rapport à ces croyances, eh bien, on va susciter une émotion de la peur. Mmh. Alors, suis-je capable d'identifier en fait les moments où mes émotions sont disproportionnées par rapport aux événements qui les ont provoquées ? Ou dois-je être aidé par un tiers hein, qui est capable de prendre du recul ? Alors, il peut être quand même difficile de s'en rendre compte seul, effectivement. Tout va dépendre de l'intensité des émotions. On peut aussi faire référence à l'ascenseur émotionnel, hein, quand on est voilà, dans des émotions contradictoires et très intenses, qu'on passe de l'une à l'autre. On peut ressentir qu'effectivement, on fluctue dans ces émotions. Mais dans le quotidien, c'est assez difficile de pouvoir prendre en compte soi-même cet ascenseur émotionnel ou le fait que les émotions sont intenses. Bien souvent, elles sont intenses pour nous, mais surtout pour l'entourage. Et on peut avoir parfois, à travers le regard des autres, cette sensation d'être incompris dans nos ressentis et dans ce que nous traversons. Alors, un regard extérieur comme celui d'un thérapeute ou d'un proche aussi peut aider à identifier des réactions disproportionnées dans certaines situations. Et je suppose que parmi donc ta clientèle, il y a sûrement donc des personnes qui sont confrontées à ce genre effectivement d'émotions souvent négatives. Oui, tout à fait. Alors l'intensité des émotions, elle peut être à la fois dans les émotions négatives, mais aussi positives. En fait, c'est que les émotions sont beaucoup trop intenses et vont influencer les comportements de la personne. Et parfois, ça peut même poser des problèmes relationnels. Oui. Mmh. Alors justement, on va revenir sur les conseils que tu donnes justement à ta clientèle pour faire face à la gestion donc, de ces émotions. Donc c'est le thème que l'on va aborder donc, dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, on va faire une pause musicale en écoutant justement une chanson autour du thème de ces émotions. Alors Dorothée, quel a été ton choix ? Eh bien, j'ai choisi le titre « Happy » de Pharrell Williams parce qu'il encourage à célébrer les moments de joie. Et rien de tel que de ressentir de la joie pour se sentir bien. Eh bien, c'est parfait. On retrouve tout de suite donc Pharrell Williams avec Happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. By the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. that's what you wanna do. Bring me down, can't none. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said. Voilà, c'était donc Pharrell Williams, donc Happy. C'était donc notre premier coup de cœur musical pour notre émission donc de l'instant donc présent, consacrée donc à la gestion donc des émotions. Alors dans la première partie de l'émission, on a parlé donc d'identification de ces émotions. Alors Dorothée, j'ai une petite question avant de voir donc les conseils pratiques. Est-ce que cette gestion des émotions, lorsque donc des clients viennent ou des patients plutôt viennent te voir, est-ce que ça concerne uniquement des adultes ? Pas forcément. Ça concerne aussi les enfants et les adolescents parce que effectivement, en grandissant, on traverse différentes émotions. Et parfois, on est un petit peu démunis par rapport à ça. On ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop comment les apprivoiser. Et bien souvent, voilà, ce sont les parents qui sont à l'origine du rendez-vous parce que ça prend beaucoup de place dans le quotidien. Très bien. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie, donc sous la forme de conseils pratiques pour nos auditeurs. Alors, donc, on a afin donc justement de pouvoir donc gérer au mieux ces émotions. Alors, Dorothée, quels conseils peut-on donner donc à nos auditeurs pour la gestion de ces émotions ? Alors, tout d'abord, il est important de tenir compte du fait que on ne peut pas vraiment les gérer. C'est-à-dire que c'est vrai que ce terme de gestion des émotions qu'on entend un peu partout. Il n'est pas vraiment juste. Moi, je préfère réguler ses émotions. Parce que gérer, ça voudrait dire qu'on peut choisir ou qu'on peut éviter d'en ressentir certaines ou d'autres. Bien souvent, quand on ressent des émotions, et là, je reviens un petit peu dans les émotions désagréables, on peut aussi, par confort ou par habitude ou par éducation, avoir développé une technique d'évitement ou de combat dans les émotions qui nous traversent. Souvent, on essaye de combattre la colère ou la tristesse parce que c'est pas forcément bien vu aussi d'en ressentir ou de montrer que l'on ressent ça. Mais sur la colère, ce qui est vraiment pas, convenu dans la société, c'est pas la colère, c'est plutôt le comportement de la colère, c'est-à-dire l'agressivité. Donc déjà, voilà, bien souvent, il y a une confusion par rapport à ça. Alors, on a tendance à les refouler, à les ignorer ou du moins à ne pas les identifier. Mais il faut être conscient que les émotions, elles ont un véritable rôle dans notre bien-être. Parce qu'en fait, elles nous indiquent comment nous allons, comment on se sent, quel est notre état d'humeur. Ça permet aussi de se prendre en considération et de prendre conscience un petit peu de l'état de notre météo intérieure. Parce que c'est important de temps en temps d'aller effectivement sonder cette météo intérieure et aussi de porter attention à ce qu'on a vraiment ressenti sur l'instant. C'est important d'aller s'y contacter, hein, aussi désagréable que cela puisse être par moment, parce que c'est en reconnaissant les émotions et en acceptant de traverser ce qui est que nous pouvons les réguler. Alors justement, il y a certains spécialistes qui estiment justement qu'il faut laisser passer ces émotions. Il ne faut pas les refouler, justement. Oui, tout à fait. Il ne faut pas les réprimer. C'est ce qui est conseillé de faire. Il faut s'autoriser à pleurer quand on est triste. Il faut s'autoriser peut-être à être dans l'énervement quand on est en colère. Il faut laisser éclater sa joie aussi parce que des fois, on a tendance un petit peu à mesurer toutes ces émotions et à ne pas s'autoriser à les ressentir complètement. Et parfois, voilà, on ne s'autorise pas non plus à être joyeux, alors que c'est important aussi de ressentir toute cette palette d'émotions. Alors, parmi les outils, est-ce que la méditation ou la pleine conscience peut m'aider à mieux équilibrer mes émotions? Oui, la méditation de pleine conscience permet de cultiver une présence à soi-même. Et plus je vais me poser en tant qu'observateur de ce qui se passe en moi, plus je vais pouvoir reconnaître ce qui me traverse, par exemple en m'en offrant un espace de respiration. Avec la respiration, après avoir identifié effectivement ce qui nous traverse en cet instant, arriver à nommer l'émotion et en respirant, ça permet de l'adoucir, de la calmer. Et surtout, ça permet de prendre du recul aussi vis-à-vis de la réalité de ce que l'on vit. Donc, c'est une vraie régulation émotionnelle. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur ces techniques de respiration ou de visualisation pour apaiser mes émotions qui sont relativement importantes? Est-ce qu'il y a un certain rythme à adopter? Alors, il y a différents types, effectivement, de respiration. Il y a plein de techniques respiratoires sur différents temps. En sophrologie, on va surtout utiliser la respiration diaphragmatique, donc on respire avec le ventre, ou bien aussi la respiration normale, ça c'est plus utilisé en méditation, parce que ça aide à se recentrer sur soi, en fait, déjà dans un premier temps, et à adoucir, comme je le disais, les émotions que l'on traverse, sans forcément se laisser emporter par celles-ci. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment à avoir un pas de recul. C'est un petit peu comme si on maintenait l'équilibre sur une vague émotionnelle et qu'on ne se laisse pas emporter par cette vague. Parfois, les émotions nous font adopter des comportements qu'on peut regretter après coup. Et les techniques de visualisation, alors elles, ça peut être tout simplement s'imaginer. Hein, la visualisation, c'est imaginer qu'on peut être par exemple dans un lieu agréable et apaisant. Et là, on est plutôt dans des techniques de détournement d'émotions désagréables pour les changer en émotions positives. C'est-à-dire qu'on va somatiser des émotions positives dans le corps pour mettre à distance les émotions négatives. C'est une autre technique qui est différente. Qui est un petit peu différente de la respiration. Là, on se confronte vraiment aussi à ce qui est désagréable. Alors justement, certaines personnes sont angoissées par la nouveauté. Alors, est-ce qu'on peut leur conseiller donc d'adopter, de s'imposer donc, des habitudes, des routines? Ah oui, instaurer des routines comme des moments de relaxation, de méditation, de pratique respiratoire, comme par exemple la cohérence cardiaque, ou faire de l'activité physique de façon régulière peut aider à stabiliser les émotions. Parce qu'en fait, toutes ces techniques agissent directement sur l'équilibre du système neurovégétatif, permettant une régulation émotionnelle. Alors sinon, est-ce qu'il existe donc d'autres méthodes que tu peux conseiller à nos auditeurs? Oui, il y a plein d'autres méthodes qui vont être plus dans un champ psychothérapeutique. Alors par exemple, on a les thérapies cognitives comportementales. Alors elles ont bien souvent pour but de viser à modifier les pensées, les comportements qui causent des difficultés émotionnelles. Donc, par exemple, il est très connu la restructuration cognitive qui consiste à identifier les pensées qui déclenchent des émotions négatives en reformulation cognitive. Alors, pour vous donner un exemple, bien souvent, on se dit « je ne vais pas y arriver » et si on le change en « j'ai rencontré des défis, mais je peux apprendre de cette situation », ça change les choses de façon émotionnelle. On peut aussi tenir un journal des émotions. On peut aussi pratiquer de l'autocompassion, c'est-à-dire comme si on se faisait un gros câlin à soi-même et d'accepter que l'on puisse ressentir des émotions difficiles. Voilà, d'avoir de la compassion envers soi, c'est quelque chose qu'on s'autorise peu finalement. Alors le conseil, c'est surtout de ne pas réprimer les émotions, mais de les identifier, les accepter sans jugement. C'est-à-dire, finalement, les émotions, ça fait partie de notre vie d'humain, de notre condition humaine. Et de les exprimer autant que possible. Très bien Dorothée, alors après tous ces conseils, on va passer maintenant au deuxième coup de cœur donc musical. Alors quel a été ton choix Dorothée? Alors c'est Miley Cyrus, la chanson The Climb. C'est tout à fait ça, donc une chanson je crois sur la persévérance et la reconnaissance des émotions ressenties dans la poursuite de ses rêves, malgré justement les obstacles. Alors on retrouve tout de suite Miley Cyrus, The Climb. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going. Voilà, donc c'était donc Miley Cyrus avec The Climb. On va passer maintenant donc à la dernière partie donc de l'instant présent, donc consacrée à la gestion des émotions. Alors si on respecte tous ces conseils Dorothée, en quoi le fait de mieux comprendre et de mieux gérer mes émotions pourrait-il transformer mon bien-être général ? Eh bien, ça reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit précédemment, c'est que plus on va être à l'écoute de sa boussole intérieure, eh bien, plus on se permet de garder l'équilibre de sa santé mentale et physique. C'est-à-dire avoir de la compassion pour les émotions que l'on traverse, c'est aussi être à son écoute et se respecter, prendre soin de soi et ne pas minimiser ce qu'on traverse. Il faut aussi savoir que les émotions, elles sont brèves, elles ne durent pas. Et donc, s'autoriser à reconnaître cette émotion permet plus facilement de la laisser passer. Et alors, avec de l'expérience, il est certainement possible, une fois qu'on maîtrise bien donc, ses propres émotions, de développer une meilleure empathie envers les émotions des autres, mais sans pour autant absorber leur stress ou leur douleur. Et oui, plus on développe un sens aigu de la perception des émotions par ses sensations, plus on arrive à les identifier. Et plus, eh bien, on développe aussi une intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle permet aussi de ressentir ce que traverse l'autre dans une situation qui est peut-être similaire à celle que nous avons su vécu et traversée. Alors du coup, on devient empathique. Alors empathique, ça veut dire ressentir et se mettre à la place de l'autre. C'est différent de la sympathie, où dans la sympathie, effectivement, on absorbe plutôt les émotions de l'autre et on les vit comme si c'était nous qui étions concernés par cette situation. Oui, tu développes le concept donc d'intelligence émotionnelle hein, qui n'a rien à voir, je crois, avec le QI finalement. Hein, donc, c'est une autre forme d'intelligence. C'est une autre forme d'intelligence, ouais, tout à fait. C'est une capacité à reconnaître, comprendre, à gérer, exprimer ses propres émotions, mais aussi à percevoir, à interpréter et à influencer les émotions des autres. Donc c'est le psychologue Daniel Goleman qui a popularisé ce concept. Alors Dorothée, tu sais que j'aime ces citations inspirantes qui nous font du bien. Alors Dorothée, as-tu une citation inspirante sur la gestion des émotions pour laisser une note positive aux auditeurs ? Alors moi j'aime bien cet extrait du livre d'Elisabeth Gilbert, « Mange, prie, aime », qui est aussi un film d'ailleurs. « Nos émotions sont les esclaves de nos pensées et nous sommes les esclaves de nos émotions. » Tout à fait. Et moi, j'aime cette citation que j'ai trouvée donc, sur Internet. Donc, c'est « Les émotions sont des messagers. Écoutons-les pour comprendre ce qui est vraiment important pour vous. » Alors, pour terminer, Dorothée, est-ce que tu peux nous citer quelques ouvrages de référence pour prolonger cet entretien sur la gestion des émotions ? Eh bien, je vais vous citer le livre de Daniel Goleman pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. On a aussi les pouvoirs de la méditation de John Kabat-Zinn et un petit guide donc, d'Isabelle Filioza, le guide des émotions pour les enfants et les adultes. Très bien, donc de bons conseils pour prolonger donc justement cette émission donc de l'instant présent qui se termine. Alors apprendre à reconnaître, comprendre et réguler ses émotions permet de vivre de manière plus harmonieuse, bien que les émotions soient des réactions naturelles et parfois incontrôlables. Notre capacité à choisir comment y répondre détermine en grande partie la qualité de nos relations et de nos prises de décision. Alors la maîtrise de soi ne réside pas donc dans la suppression des émotions, mais dans la capacité de les écouter et à les utiliser comme des guides pour avancer sereinement en espérant que cette émission justement vous permettra de trouver donc des outils pour y parvenir. Alors si vous avez pris donc l'émission en cours, donc sachez que vous pouvez retrouver donc tout au long de ce mois en replay donc sur le site donc internet de Radio Fredjet cette émission, mais aussi toutes les autres émissions de l'instant présent. Et bien Dorothée, on se retrouve donc le mois prochain pour aborder un nouveau thème sur le développement personnel. Oui, bien sûr. Et bien, tu seras fidèle au poste. Fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. Très bien. D'ici là, n'oubliez pas donc de rester fidèle à Radio Fadjet.